Ça a fait parler pas mal la semaine passée. On sait que une sortie du centre de la source un peu contre les régates de Saint-Félicien sur le dossier du concours des régates. On sait que les régates de Saint-Félicien ont lancé cette année un concours de Miss Régate. Le centre de la source de Saint-Félicien a répondu sur les médias sociaux, déplorant un peu ce concours. Selon eux, c'était un concours qui pouvait banaliser la femme. Quoi qu'il en soit, on va débattre avec la responsable du centre de la source de Saint-Félicien, Mme Édith Pelletier. Bonjour, monsieur, Mme Pelletier. Bonjour. Mme Pelletier, d'abord, pourquoi avoir fait cette sortie-là? En fait, là, nous, on n'est pas contre les régates, là. Je veux être bien claire, là. Au contraire, c'est une activité. Les familles y participent. Moi, j'habite pas loin de la rivière et c'est pas ça. En fait, le problème, c'est que on organise un concours de Miss. Et l'image qui sert pour promouvoir le concours de Miss sur Facebook, c'est vraiment pas une image qui correspond au message que le comité des régates veut lancer. Le comité des régates dit on veut quelqu'un ça peut être n'importe quelle femme, il n'y a pas une question d'âge, il n'y a pas une question de taille. C'est pas une question de ça. Ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui a du vécu, quelqu'un qui, bon. Fait qu'on nous dit tout ça, puis l'image qu'il y a pour promouvoir ça, ben, c'est une image hyper sexualisée. Il n'y a pas grand madame tout le monde, excusez-moi, qui correspond à ça. Moi, je comprends le principe qu'ils veulent faire, mais vraiment, l'utilisation de l'image qu'ils ont prise, c'était vraiment incohérent avec ce qu'ils veulent faire. C'est simplement ça. Madame Pelletier, qu'est-ce que vous pensez des calendriers de pompiers? Ben, écoutez, j'en achète pas de calendrier de pompiers. Parce Ouais. que moi, je trouve que moi, c'est pas ça qui va me faire apprécier quelqu'un, un calendrier de pompiers. Et ça, c'est clair pour moi. Parce que moi, je trouve que c'est pas une façon de promouvoir une activité quelconque. Les calendriers de pompiers, c'est pour faire de l'argent pour les Ouais. grands brûlés. Mais Bon, pourquoi vous vous et pensez moi, que... là, le grand brûlé, il n'ira pas poser, lui, en pompier après, là. Non, mais c'est parce que c'est une Parce que game. lui, il n'est pas organisé pour le faire. On est toujours sur l'image, là. Oui, mais c'est une game justement pour l'image. Pourquoi vous pensez que Eugénie Bouchard est encore populaire malgré ses résultats sur le court? Ouais, pourquoi? Ben, d'après vous, pourquoi? Ouais, mais tu sais, Ouais. peut-être qu'au niveau des Puis amateurs elle de le sait tennis, très bien, puis elle le t'as sait. beau être la plus belle femme du monde, si t'es pas capable de remplir ce que tu as à faire, ton exemple, prenons pour le tennis, de gagner, ben écoute, elle va changer de job, Ben, madame, probablement, c'est une game, puis elle le sait très bien, puis elle le sait, pour là-dessus, Eugénie Bouchard, là. Ça, quand Ouais, on... mais moi, tu sais, je sais pas. Moi, tu sais, je pense que Ouais, Eugénie mais Bouchard a c'est... fait son possible, elle essaye de faire des choses, mais tu sais, les joueuses de tennis, quand ils ont un certain âge, ils sont obligés d'arrêter de jouer parce qu'ils sont pas capables. Mais le cas des Miss, là, c'est pas vrai que Madame tout le monde peut être Miss là. Puis un concours sur Facebook, là, ça va être des j'aime. Si t'as pas de j'aime, c'est quoi? T'es pas correct? Mais moi, ma, Tu moi, moi, gagnes pas, là? Madame Petit, je suis un homme. Tu sais, fonctionner avec des j'aime dans la vie, là, c'est vraiment une mauvaise façon de promouvoir des gens qui ont du vécu et tout, là. On ne sait pas quand une photo, si la personne a du vécu ou pas, si elle est capable de se prononcer en faveur des régates et c'est extraordinaire, c'est une belle activité familiale. Elle n'est pas capable de faire ça. Sur Facebook, on voit juste une image. Oui, mais c'est une game qu'ils jouent, puis ils savent très bien. Puis ils sont majeurs et vaccinés aussi, là. Sont consentantes, là. Pourquoi Mme Ah, Pelletier, absolument. que les centres de femmes et ainsi de suite se préoccupent pas de l'islam radical qui actuellement est rendu à Montréal, qui réduit. Non, non, là, vous m'amenez ailleurs. Là, vous Oui. m'amenez ailleurs que sur les régates, puis je suis pas intéressée à parler de ces choses-là ce matin. Moi, ce que je veux vous dire, c'est Oui. que on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, le centre de femmes, à penser ça. Il y a beaucoup de monde qui sont aussi contre ça, qui se sont prononcés, qui ont partagé, qui ont aimé, puis il y en a d'autres qui n'ont pas aimé. Mais nous, on a fait notre travail parce qu'on trouve que le lien entre l'image qu'on promouvoit et ce qu'on veut, ce qu'on demande, Mais dans le fond, c'est pas cohérent. c'est pas d'hier, ça. Ça a toujours existé, puis ça existera toujours, ce genre de concours-là. Pourquoi que les schnappeuses sont dans les bars, puis C'est... Non, mais là, je parle pas de ça, moi. Oui, mais c'est... Ce que je parle, c'est d'une activité familiale. Oui, mais c'est quand même quelque chose. Là. Ils savent là, très bien. Là. Puis, tu sais, c'est ça pareil, madame. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous me demandez mon avis, là, mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, son majeur est vacciné et elle peut faire ça? Ben moi, je trouve que les si femmes... Si elle avait 15 ans, la jeune femme qui ben, va gagner, c'est 18 ans. Que c'est correct? Oui, mais là? C'est 18 ans et plus. Là. Moi, ce que vous me demandez, ce que vous en pensez, moi, je me dis que c'est carrément du c'est carrément s'en occuper pour rien. C'est carrément du chiolage pour rien. Les féministes devraient s'occuper de l'islam radical qui est rendu à Montréal et qui menace les femmes les droits des femmes des 100 dernières années. C'est ça qu'on devrait parler, que les féministes... Oui, mais moi, je vous le redis, je suis pas là pour parler de l'islam radical. C'est un dossier très social. Moi, je m'occupe principalement des femmes et... c'est un dossier qui va toucher les femmes. Et c'est rendu très près de chez nous. Quand c'est rendu à Montréal, dans les mosquées... Moi, je vous ramène au régate, monsieur. On parlera de l'islam radical une autre fois, mais là, moi, je suis pas, j'ai pas le mandat de parler de ça. Mais les jeunes moi, le savent. Moi, je donne mon opinion. Vous voulez me demander qu'est-ce que j'en pense? Les jeunes le savent, les filles le savent très bien. C'est une game qu'ils jouent. Ils le savent qu'ils sont belles, puis coudonc. Ouais. C'est pas pire qu'un calendrier de pompiers, dans le fond, là. Puis est-ce qu'on entend les hommes chialer contre les calendriers de pompiers? Pas du tout. Puis moi, je suis pas le plus beau, puis je suis pas le plus laid, puis je suis bien content pour eux autres, là. Puis pas sûr nécessairement que ça dérange tant de femmes mais que ça. Ça, c'est votre façon de penser, c'est correct. Mais moi, je trouve que entre le message, c'est le message qui est pas correct, monsieur. On met une photo d'une femme magnifique, presque pas habillée, puis on nous dit il n'aura pas de femme en maillot de bain. Voyons. Okay. Donc, mettons pas ça comme image pour vendre ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette? Je vends une voiture, puis je mets une voiture toute bien chaînée, bien brillante, puis je cache tous les défauts. Bien là, vous allez dire, elle est magnifique, puis vous allez... madame, moi, je suis un homme, puis je peux dire, elle a bien beau être belle, elle a bien beau être fine, puis elle a bien beau avoir des beaux seins, et ainsi de suite. Si ce qu'elle sort, c'est pas plus qu'il faut, ben elle devient laide à partir de ce moment-là. Là. C'est une personne qui est... J'aime autant la personne qui est cultivée, qui est renseignée, puis qui parle bien que la personne qui est belle, beau sein, mais qui ne sait pas parler. Bon. Fait que... Alors, on pense. Mais par contre, pour un concours de régate, par contre, c'est une game qui se joue, là. Puis ils le savent, puis les filles le savent, puis coudonc, c'est ça. Ouais, mais bon, nous, on a donné notre opinion. Ben. Puis il y a beaucoup de monde qui pensent comme nous, puis comme il y en a d'autres qui pensent pas comme nous, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, tu sais, je peux pas... Nous, on a dit qu'ils n'avaient pas. Depuis que les régates sont recommencées, il y a 10-12 ans, ils n'avaient pas. Je veux dire, ça a changé quelque chose, vos régates? Non. C'est pas pire que les chasses. Il y en a eu pareil. Oui, c'est pas pire que les chasses. Il y a une rivière pareille, puis il y a des courses à rivière pareille. Bon. Ben, merci beaucoup, Mme Petit, puis au plaisir de se reparler. Merci, bonne journée. Edith Sainte-Femme, Edith Petit.